Mosaïque. Bonjour et bienvenue à cette émission Mosaïque. À la présentation, Pacifique Chouvahiro. La mise en onde de cette émission est assurée par Jean de Dieu Ndaïsenga. Cette émission est réalisée par Jérôme Nyonzima. 17 ans viennent de s'écouler après la signature de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi. Un accord, vous le savez aussi bien que moi, signé le 28 août 2000 à Arusha en Tanzanie. Un accord que certains qualifieront d'historique pour avoir permis à mettre à terme un conflit politique enclenché par l'assassinat de Melchior Ndadaye, premier président démocratiquement élu en 1993. L'accord, qui est considéré par certains comme la soupape de la Constitution, qui a consacré notamment le partage du pouvoir entre les deux blocs ethniques, à savoir le G7 d'obédience Hutu et le G10 d'obédience Tutsi, l'intégration des ex-rebelles dans l'armée nationale. Pourtant, c'est ce même accord qui semble aujourd'hui être malmené, sujet à plusieurs interprétations. Un accord qui, pour certains, ne serait plus en phase avec la réalité politique du moment et de nous poser des interrogations. Quel héritage pouvons-nous garder de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi? Aujourd'hui, l'accord d'Arusha est-il un enjeu politique? Avons-nous droit de rejeter totalement ou partiellement cet accord? L'accord d'Arusha peut-il contribuer dans la résolution de la crise politique actuelle? Quelle doit être la place de l'accord d'Arusha pour les générations futures dans la gestion politique du pays? Heureusement que toutes ces interrogations et bien d'autres trouveront des réponses avec nos invités. Auditeurs, auditrices de Mosaïque, je vous présente nos trois invités, dont deux ont participé dans les négociations qui ont abouti à la signature de cet accord d'Arusha. Festus Nanyungu, négociateur à l'époque pour le compte du CNDD, devenu aujourd'hui membre du parti CNDD-FDD. Bonjour et bienvenue à cette émission Mosaïque. Merci beaucoup, bonjour. Mais la façon que vous dites de CNDD à membre, non, c'est le CNDD devenu plus tard, donc le CNDD-FDD, je ne suis pas devenu membre, je suis membre créateur de ce parti et de ce mouvement. On y reviendra peut-être au cours de cette émission. Je dis également bonjour et bienvenue à Léonce Ngendakoumana, vice-président du parti Sarwanya Frodebou, également négociateur de cet accord. Et bonjour et merci de m'avoir invité. Je dis également bonjour et bienvenue à cette émission Faustin Dikoumana, représentant légal de Parole et Action pour le Réveil des Consciences et des Mentalités par SEM. Bonjour, merci de nous avoir invités. Mosaïque. Sans tarder, je pose la question à Festus Nanyungu. Aujourd'hui, quel est l'héritage que nous pouvons garder de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation? Garde les faits, nous étions en guerre civile depuis bien des années avec l'accord d'Arusha. Le premier fait historique, c'est d'avoir mis fin à la guerre civile. Deuxième fait, c'est la réalité d'aujourd'hui que nous voyons. Les rivalités ou les dissensions interethniques ont baissé, sinon tendent vers l'effacement pour petit à petit. Ou même désormais, dire que nous sommes des Burundis et non pas des Hutus et des Tutsis et des Twa. C'est l'accord d'Arusha, la mise ensemble des communautés se fondant pour que le Burundi devienne petit à petit un État-nation, non pas un État-ethnie. Sinon déjà, pour moi, l'accord d'Arusha devrait être considéré historiquement comme ce qui a été pour l'Angleterre, donc la Magna Carta, la grande charte d'Angleterre qui a permis à ce que beaucoup de communautés deviennent une seule communauté des Anglais. Nous aussi, c'est ça. Ça devrait être consigné quelque part, non pas dans la Constitution, mais en dehors de la Constitution, pour que l'accord d'Arusha reste la référence où on valide ces choses pour trouver des éléments pour gouverner. Non pas de gouverner avec l'accord, parce que ce qui a été fait, mais pour s'inspirer chaque fois que c'est nécessaire. Donc, ça devrait être un musée un musée politique, historique, qui serait consigné quelque part. Ça, c'est mon avis. Vous parlez de faits, vous parlez de quelque chose qu'on doit conserver comme historique, mais il y a aussi ceux qui pensent que c'est, l'accord d'Arusha, ça véhicule une philosophie, un esprit, un mode de gouvernement pour le futur. C'est un mode de gouvernement extraordinaire. Ça a été salutaire. Pour ceux qui croient en Dieu, ça a été une bénédiction que d'avoir l'accord d'Arusha. C'est mon avis. Parce que c'est, ça a été vraiment la base et ça contient des éléments qui conduisent à voir une société où les gens s'entendent très bien, se considèrent dans l'égalité. Et c'est en même temps un ensemble de fondements politiques qui permettent d'asseoir le système actuel dans le monde entier de bonne gouvernance qu'on appelle la démocratie. Léonce Nguendakoumana, avec la crise de 2015, vous avez parlé plutôt d'un enterrement de l'accord d'Arusha au regard de la crise politique qui a secoué le Burundi depuis 2015. Nous avons parlé de la négation de l'accord d'Arusha. C'est différent. Bon, on y reviendra, je suis sûr, dans ce que vous avez appelé enjeu politique. D'abord, il ne faudra pas que votre question cache quelque chose qui donnerait l'impression que l'accord d'Arusha a terminé son mandat, comme le dit le CNDD-FDD. Quand on parlait d'héritage, ça veut dire ce qui reste. Hein? Après, pas du tout. L'accord d'Arusha reste le fondement de la paix et de la sécurité dans ce pays. L'accord d'Arusha reste le fondement de la démocratie et de la bonne gouvernance dans ce pays. L'accord d'Arusha reste le fondement de l'unité et de la cohésion du peuple burundais dans ce pays. Donc, du développement intégral de ce pays. Il est toujours d'actualité. On va parler d'héritage. Alors, plutôt probablement des mérites. Ce que vous avez appelé héritage. Appelons ça mérite. Mérite. Mmh. Donc, l'importance de l'accord d'Arusha. Parce qu'il n'y a rien à rejeter, il n'y a rien à enterrer. Les Burundais ont négocié l'accord d'Arusha. Tous les autres textes, la constitution, tout autre texte qu'on a préparé après, c'est pour la mise en application de l'accord d'Arusha. Ce sont des textes d'application. Alors, les mérites, il les a déjà donnés. L'accord d'Arusha a eu le mérite d'instaurer la confiance dans ce pays. Il y avait une crise de confiance grave. À un certain moment, l'accord d'Arusha a permis au Burundi de retrouver la confiance, a aussi donné de l'espoir à la sous-région et à la communauté internationale. C'est ainsi qu'aujourd'hui, le Burundi envoie des militaires dans d'autres pays. D'abord, on dit que c'est pour le maintien de la paix. Mais pour le rétablissement de la paix et le maintien, on le voit. Ça, c'est un grand mérite, ça. Hein? Ça veut dire que la communauté internationale a placé la confiance dans les Burundais. Et c'est ainsi d'ailleurs qu'en 2005, le Burundi était considéré comme un modèle de la démocratie dans cette région des Grands Lacs. Comme un modèle d'un pays capable de résoudre ses problèmes pacifiquement, par la voie d'un dialogue, pas militairement. L'accord d'Arusha, comme il l'a dit, a permis, vous l'avez dit aussi, a permis le partage du pouvoir, puisque l'accord d'Arusha avait mentionné dans son protocole 1 que l'exclusion avait été à la base de beaucoup de problèmes que nous avons vécu. Maintenant, c'est un système politique inclusif qui inclut même les minorités, qui inclut les femmes. Ce n'est pas seulement le partage entre les hommes politiques ou les ethnies, mais qui inclut aussi les femmes et les jeunes. Mais aussi qui donnait la place à la société civile. Mais bien sûr. Donc, l'accord d'Arusha, enfin, c'est un accord qui consacre un ordre politique, économique et social nouveau. Ce n'est pas par rapport à 1993, comme vous l'avez dit dans l'introduction. Depuis les années 60, le conflit burundais est vieux, c'est une vingtaine d'années. Cet accord d'Arusha, comme il a dit, c'est un musée. Faustin Dikomana, vous avez organisé une conférence de presse, vous avez médité sur ce que pourrait constituer comme trésor au niveau de l'accord d'Arusha. Pourquoi cet attachement au niveau de Parsem, surtout dans un contexte actuel? Je vais parler de cet héritage, de ces acquis, de ces mérites et sous quatre aspects. D'abord, comme l'a dit M. Festus, l'accord d'Arusha a été comme la meilleure solution au conflit ethnique burundais. Vraiment, le conflit ethnique au Burundi était devenu comme un monstre qui dévorait une partie de nos compatriotes à intervalles réguliers. Le conflit ethnique était devenu énigmatique, avec plusieurs aspects. Les uns parlaient de coup d'État, les autres parlaient de génocide, de je ne sais quoi, exclusion. C'était devenu énigmatique. Je me souviens d'un journal qui a écrit que la division ethnique au Burundi accompagne même les Burundais dans l'au-delà. Après les morts, parce qu'on avait séparé même les cimetières. Une solution idoine à un tel conflit complexe, c'était vraiment extraordinaire, génial. Deux, nous avons vu que la Cour d'Arusha nous a montré qu'au Burundi, aucun problème, aucun conflit ne peut pas se dire qu'il est insoluble à partir d'un dialogue sincère. Ça a montré que même les questions les plus complexes, si les Burundais s'assoient, ils peuvent résoudre ces questions. Ça tranquillise vraiment. Si on a eu l'accord d'Arusha, il n'y a pas de questions insurmontables aujourd'hui. L'autre élément qui m'a surpris, c'était l'importance de la communauté internationale par rapport à l'accord d'Arusha. Vu vraiment la qualité du médiateur qu'on avait choisi pour le Burundi. Vous imaginez nous donner un médiateur comme Nelson Mandela, un homme aujourd'hui à qui on dédie une journée internationale, qui a vraiment déployé ses talents, qui a remis au SRTR pour que le Burundi retourne sur les rails. Et le caractère même événementiel lors de la signature de ces accords. On était surpris de voir des chefs, 17 chefs d'État, même le président américain à l'époque. C'est vraiment extraordinaire. Bill Clinton. Au niveau même des acquis, alors on doit parler de ces forces de l'ordre. Vous savez que la question qui hantait les Burundais à l'époque, toute question, ils ont dit, il y a des gens qui la question de l'armée. Mais ça a trouvé solution. Partage du pouvoir. Et on a pu même retourner à la démocratie avec des élections. Parce qu'il y avait un problème. Les gens à l'époque disaient, plus jamais à retourner à l'élection à nos minima parce que ça sera un recensement ethnique. Il y avait vraiment, ça s'était entolé quand on parlait des élections pour une certaine partie de nos compagnons. Mais quand on a eu l'accord d'Arusha, on a eu un mécanisme de sauvegarder une démocratie à nos minima, tout en protégeant les intérêts des uns, des autres et des minorités. Ensuite, voir comment trouver une réconciliation, cimenter une réconciliation à partir de ces mécanismes de terre et autres biens, vérité et réconciliation, pour guérir les mémoires qui ont été blessés depuis 1965. Ça montre qu'on peut apaiser, qu'on peut vraiment aider à cimenter la réconciliation véritable dans ce pays. Voilà, je retourne du côté de Festus Nanyungu. Vous, en tant que négociateur, aujourd'hui, vous continuez à vivre les fruits de l'accord, notamment en tant que président de la Commission Terre et Autres Biens. La Commission nationale Terre et Autres Biens, comme vient de l'évoquer Faustin Ndikumana. Mais objet de débat, alors qu'aujourd'hui, ça devrait être pris comme un remède. Pourquoi l'accord d'Arusha aujourd'hui est devenu un enjeu politique? C'est un enjeu politique parce que justement, c'est un accord très important. Mais il y a quelque chose sur quoi vraiment on devrait se comprendre. Le parallèle qu'on fait entre la constitution et l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation burundaise, c'est un faux parallélisme qui a été établi. Un accord en soi a toujours une durée déterminée, tandis qu'une constitution, ça reste ad vitam aeternam, donc c'est à éternité, sauf les modifications qu'on fait d'un article à un autre. Un accord, on le fait pour un temps déterminé. Le problème est qu'il y a eu. C'était pour combien de temps? C'était pour 3 ans. Mais non. Vous aurez la parole. Je pense. En plus que j'étais membre de la commission d'application de l'accord d'Arusha. Ça devait avoir 36 mois, la transition. 18 mois pour, comme vous avez vu, c'est séparé en deux. Donc, l'accord d'Arusha devait être appliqué pendant 36 mois, que je le sache. Donc, 12 mois, c'est un an. Donc, j'ai dit 3 ans. Bon. Est-ce que ça c'est pas pour un seul aspect? Donc, c'est 3 ans. C'était prévu comme ça. C'est écrit là-bas. Y compris. C'est écrit là-bas. Vous aurez votre parole. C'est écrit là-bas. Absolument. Ah bon? Absolument. Mais je connais l'accord d'Arusha par cœur. Tous les protocoles, je connais par cœur. C'est dans quel protocole? D'ailleurs, le cinquième protocole, c'est moi qui ai créé ça, conceptuellement, c'est moi, quand nous étions à San Egidio. C'était 36 mois, ça devait commencer. Et donc, à la fin, normalement, du mois donc de 2000, donc l'année 2000, et mais malheureusement, ça tardait à commencer la mise en place de la gouvernement de transition, tout ça, parce qu'il y avait question de financement, il y avait question que l'accord général de cesser le feu n'était pas encore là. Donc, 3 ans, les questions qui sont encore là, qui ne sont pas terminées, ce sont des reliquats. Il faut les terminer un jour. C'est pourquoi l'accord d'Arusha ne peut pas continuer à, et donc, à travers la Constitution. Ce qui était prévu, qui devait être dans la Constitution, ces 11 articles du protocole 2, on les appelle les principes constitutionnels de la Constitution printemps. C'est 11 articles seulement qui ont été transférés de l'accord d'Arusha vers la Constitution. Et on avait dit qu'on va les transférer comme tels, bien sûr, moyennant rédaction. Ce qui fait que, mis à part les 11 articles qui sont sortis de l'accord d'Arusha, pour être la base, le fondement même de la Constitution, le reste devait être terminé avec les 36 mois. Mais malheureusement, la vie, vous la connaissez, le financement, la gouvernance, les impératifs que nous... On ne prévoit pas, les imprévus. Ça n'a pas permis que tout ce qui était prévu comme action dans le protocole 1, dans le protocole 2, dans le protocole 3 et 4 soit terminé. Dans le 5e, il n'y avait pas de délai parce que c'était la garantie d'application de l'accord. Ça devait se terminer comme ça. Alors, le problème qu'il y a aujourd'hui, la question que vous me posez, la suivance, le problème, la concomitance ou le frottement qu'il y a souvent, le parallélisme entre l'accord d'Arusha et la Constitution, c'est le fait qu'il y a des actions qui étaient dans l'accord d'Arusha qui ne devaient pas être pérennes, qui étaient en dehors des 11 articles principes constitutionnels qui n'ont pas été terminés dans les temps qui étaient prévus. Mais aussi, dans les 11 articles prévus par d'être transférés dans la Constitution, il y a eu, disons, pas la meilleure compréhension entre toutes les parties. Pourquoi? Parce qu'il y a des parties qui avaient signé avec réserve et qui ont même voté contre la Constitution en 2005. Le fait est qu'il y a des gens qui n'adhéraient pas totalement à l'accord d'Arusha. Le G7 a adhéré à l'accord d'Arusha, totalement. Mais le G10 a mis des réserves. Toutes les parties du G10 ont dit nous signons, mais à condition que ceci, pour l'appliquer, il faudra encore renégocier. Donc, ce qui n'a pas été fait. Ça veut dire qu'en fait, il y avait deux personnes qui étaient entrées sur le même chemin, mais il y en a un qui était boiteux, et un autre qui avait les deux jambes comme ça. Alors, il faut se secourir, je ne sais pas quand ça va se terminer. Léon Singendakoumana, vous semblez ne pas être d'accord avec les 3 ans comme période d'exécution de l'accord d'Arusha. Je suis très surpris de l'entendre s'exprimer de cette façon. C'est de la provocation. Il ne va pas céder à cette provocation. Les 36 mois, les 3 ans, c'était pour les institutions de transition. Ça, je le sais. Nous l'avons négocié avec Mandela. Les 36 ans, c'était pour la gestion de la transition. Pourquoi est-ce que l'accord d'Arusha est devenu un enjeu politique aujourd'hui? Uniquement à cause du troisième mandat. Vous résolvez la question du troisième mandat, vous n'entendrez plus parler de la condamnation de l'accord d'Arusha. L'accord d'Arusha est condamné uniquement par le troisième mandat, puisqu'il a le mérite d'être plus clair que la Constitution sur cette question. C'est pourquoi on dit qu'il doit être considéré aujourd'hui comme un instrument historique. Il y en a même qui ont proposé que le classe quelque part dans un musée, dans une bibliothèque pour aller le consulter là-bas. Je dois vous dire que pour comprendre les enjeux politiques de l'accord d'Arusha, il ne faut pas uniquement regarder l'histoire de mandat. L'accord d'Arusha repose sur 4 principes moteurs pour la gestion du Burundi, ce qui ne peut pas se terminer dans 3 ans. Le premier principe moteur, c'est qu'aucun gouvernement du Burundi ne peut plus recréer les causes historiques des conflits burundais. Ça se trouvait dans le premier protocole. On a même défini, on a donné des mesures, des actions. Quand le gouvernement ne peut plus le faire, et ça prendra longtemps pour que le gouvernement comprenne qu'il ne faut plus recréer. Mais finalement, c'était un souhait. Deux, comme solution, comme première alternative de solution, la démocratie et la bonne gouvernance doivent être le fondement de chaque gouvernement du Burundi. Est-ce que la démocratie et la bonne gouvernance le seront pour uniquement 3 ans dans ce pays? Et après, qu'est-ce qu'on va faire? Troisième principe. Ça, c'est le deuxième protocole. Troisième principe. Que l'armée, la police, on appelle ça corps de défense et de sécurité, et quand on ajoute le service national de renseignement, que ces corps de défense et de sécurité doivent rester la priorité de chaque gouvernement du Burundi. Est-ce que c'est pour 3 ans uniquement la paix et la sécurité du Burundi? C'est pour 3 ans. Alors, le quatrième protocole, c'est encore grave. C'est la reconstruction du pays. C'est la réhabilitation des victimes. C'est le développement intégré. Ça prendra combien de temps? Beaucoup de temps. Ce n'est pas vraiment pour 3 ans. Pour stabiliser le pays. Mais c'est un souhait qui doit dépendre de la valeur que les hommes politiques burundais attachent à cet accord. Ce n'est pas un souhait. Je te dis, ce sont des principes qui ont été arrêtés. Ce sont des options qu'on a faites. Ce sont des orientations qu'on a données. L'accord n'a pas prévu de sanctions. Bon, on n'a pas prévu de sanctions parce qu'on suppose que les Burundais sont suffisamment honnêtes pour respecter ce qu'ils ont négocié. C'est-à-dire, c'est le tout premier document que tous les Burundais ont négocié et signé. Alors maintenant, ce que mon ami Fetus ne sait pas, c'est qu'en fait, on l'a signé en 2000. Mais finalement, il a été complété en 2003 avec la venue du CNDD-FDD. Finalement, il a été complété encore une fois avec le FNL. Les 3 ans étaient presque terminés pour le compléter tout simplement. Alors, je considère que l'accord d'Arusha reste un instrument politique et juridique, à caractère politique et juridique, pour la gestion de ce pays, pour répondre, pour consolider, renforcer tous ces acquis dont Faustin évoquait tout à l'heure. Il faut continuer à les consolider jusqu'à ce que la société burundaise soit transformée. La constitution, c'est un texte d'application de l'accord d'Arusha. On ne peut pas remettre en parallèle avec l'accord d'Arusha. Faustin Dikoumana, est-ce que vous pensez que l'accord d'Arusha aujourd'hui est devenu un enjeu politique? L'accord d'Arusha en soi, je ne crois pas qu'on peut dire que c'est un accord qui devrait durer 3 ans. Quand un accord annonce des principes, quand un accord se dit être un fondement d'orientation d'une gestion sûre et saine d'un pays pour justement dire au revoir définitivement à ces conflits politico-ethniques, ça ne veut pas dire que ça va durer 3 ans. Je dois donner un exemple. Mm-hmm. En 1789, il y a une déclaration du peuple français, déclaration universelle des droits de l'homme et des citoyens, vous savez, avec la Révolution française. On a énoncé des articles. Eux-mêmes, ils ont été pédés, ils ont dit: tout gouvernement qui me connaîtra ces principes, la population a le droit de le chasser. Est-ce que le gouvernement français va dire qu'il y aura un gouvernement de 1900 combien après qui pourra me connaître ces principes? Jamais. Donc même aujourd'hui, l'accord d'Arusha, c'est un fondement de ces principes, un accord pour ce monde. Dire que ça va durer 3 ans, c'était un enjeu. Pourquoi? Au-delà d'un accord qui se veut vraiment être un accord pour créer une dynamique de paix au Burundi, malheureusement, les hommes restent les hommes, les intérêts égoïstes des gens restent. C'est cela pourquoi c'est un enjeu. On a vu même depuis l'application qu'il y a eu des tentatives de vouloir échanger ceci et cela uniquement pour les intérêts des gens. Maintenant, il faut alors une dynamique nationale pour mettre hors d'état de nuit toute tentative de vouloir méconnaître le contenu de l'accord d'Arusha suite aux intérêts individuels. C'est ce que je vois. Quand c'est un enjeu, c'est les intérêts égoïstes des gens d'un parti, d'un individu, d'un groupe. Si l'accord d'Arusha devient comme un rempart ou quelque chose, une barrière pour percer, défendre l'intérêt d'un groupe ou d'un autre, alors les gens commencent à s'agiter. Mais sinon, l'accord d'Arusha a été clair sur beaucoup de principes. L'enjeu se trouve là. Mais on doit évoluer vers à ce que justement de tels comportements de bas étage soient bannis par rapport à ce qui est à la valeur ajoutée de l'accord. Si c'est un texte qu'il faut maintenir à tout prix pour l'intérêt du Burundi, est-ce qu'on a droit de revoir ou partiellement ou totalement l'accord d'Arusha pour recréer peut-être un autre accord qui pourrait être conforme à la réalité politique d'aujourd'hui? Si les gens venaient à s'entendre sur l'amélioration de l'un ou l'autre aspect, ça ne causerait pas de problème. Mais comme je connais les Burundais sont vraiment des gens difficiles à vouloir décrocher quelque chose de médiane quand on doit discuter, le mieux serait quand même d'abord de nous aider à ce que l'accord nous fasse avancer à plusieurs choses. Parce que ni t'étais, je n'étais pas à Arusha à l'époque, mais je suivais, j'étais actif dans les associations de la société civile ici à l'époque, ni t'étais pas la personnalité de Mandela, vous savez. Il n'y aurait pas eu vraiment cet accord. Il y a eu vraiment une énergie d'un homme exceptionnel comme Mandela. Même ceux qui ont voulu émettre des réserves, vous savez, quand un accord est signé, il y a des gens qui disent nous perdons ceci et cela. Il est difficile d'emblée de supporter certains avances ou certains reculs. Je me souviens que Mandela dit tous ceux qui émettent les réserves finiront par comprendre que l'accord était utile. Mais aujourd'hui, je vois que personne n'évoque de réserve par rapport à l'accord d'Arusha. Si c'est cette avancée, et là, on devrait plutôt s'en réjouir, au lieu de dire pourquoi vous aussi, vous abandonnez ces réserves. Plutôt, il faut vraiment nous réjouir que finalement l'accord devienne de plus en plus consensuel, du moment même que tous les mouvements armés et qui ont négocié le cessez-le-feu ont souscrit à cet accord avant le cessez-le-feu. Et chaque mouvement armé, quand il regagne le train par rapport à la mise en application de l'accord d'Arusha, il invite l'autre à le faire. C'est pour cela que c'est Ndayizeye qui a signé l'accord de cessez-le-feu avec Pierre Nkurunziza. Et c'est Pierre Nkurunziza qui a signé l'accord d'Arusha avec l'accord de cessez-le-feu avec Gwasa Agathon. Vous voyez, à chaque étape, il rejoignait le train et l'accord d'Arusha continue à être mis en application. Même aujourd'hui, certains aspects. Commission Téléo et autres bien, présidée actuellement par Festus Nanyungu. C'est l'une des causes de mise en application de l'accord d'Arusha. Ça devait se terminer dans les 36 mois. Si ça ne se terminait pas, ça continue. Il ne marchait pas si le soir. Mais s'il y a des principes de réconcilier les Burundis, si l'accord d'Arusha, voilà, si l'accord d'Arusha a dit, vous devrez réconcilier les Burundais par rapport aux enjeux du passé. Comme la question des terres. Enfin, c'est la question des terres antérieures. C'est difficile de limiter ça dans le temps. Est-ce que tu vas limiter dans le temps? Dans 3 ans? Je vais répondre. Tu vas limiter dans le temps. L'essentiel, c'est le contenu. Ce que ce contenu fait pour avancer au pays. Monsieur Festus Nanyungu, par rapport à la possibilité de rejeter partiellement ou totalement l'accord d'Arusha, je voudrais vous poser une petite question. Quelle est la position du parti au pouvoir par rapport à cet accord? Avant que je parle de la position du parti par rapport à l'accord, qui est connu d'ailleurs, ce n'est pas aujourd'hui qu'on va la prendre, cette position du parti sur l'accord par rapport à l'accord. Puisque déjà, depuis le président de la République jusqu'à là-bas, c'est sous des membres du CNDD, vous voyez, ils appliquent l'accord là où ça devait être appliqué et en suivant la Constitution. Je vais d'abord quand même éclairer un petit temps seulement. J'ai dit que l'accord d'Arusha, c'est un accord. La Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est un texte qui est là, qui est comme biblique. Ça n'a pas de durée, qu'on se comprenne bien avec Faustin. Un accord, quand vous le signez, vous dites, il s'est appliqué pendant X temps. Ça, je l'affirme, c'est un principe. Moi, je vous dis, vous devez, dans l'accord d'Arusha, séparer les actions. Il a la parole. J'ai la parole, Faustin. Comme laisser continuer, parce que moi, je n'ai toujours personne. D'accord. Et tout cela, moi, j'ai l'accord d'Arusha. C'est l'accord d'Arusha qui parle, ce n'est pas moi. Et je renvoie mes collègues ici à la page 151 jusqu'à la page 157 de l'accord d'Arusha. Et là se trouve calendrier d'application de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi. Double point. Protocole 1, 2, 3 et 4. Je vous ai dit tout à l'heure que le protocole 5 n'était pas dans le temps parce qu'il s'agissait des mesures seulement de garantie. C'était les Saouza qui sont venus, etc. Donc, parce que je vous ai dit, ils peuvent avoir des opinions personnelles que je respecte, comme par exemple M. Faustin. Ce qu'il dit, ce sont des déclarations. Il en fera comme il voudra. Et c'est son droit. Mais quand il s'agit de se référer à un texte, il faut respecter l'esprit de ce texte-là. Nous sortions de la guerre. Il fallait mettre en place des actions qui exécutent ce qui a été appliqué, donc accepté à Arusha, par toutes les parties, même avec des réserves. Et ils ont énuméré ça. Ça, c'est pour la tout transition. Ça, c'est pour la transition, ce que vous êtes en train de dire. Ça, c'est le calendrier pour la transition. Que je sache, j'ai participé à la Cour d'argent. Et avant cela, j'étais à San Egidio. L'accord cadre, les principes qui sont là-dedans, j'en suis un des éléments là-dedans qui est formulé ça à San Egidio. Même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous devez être d'accord avec ce qui est dans l'accord d'Arusha. C'est ce que je vous dis. En disant que l'accord d'Arusha était prévu pour être appliqué, les actions de l'accord d'Arusha devaient être appliquées avec un calendrier précis qui se trouve à la page 151, à la page 151 de l'accord, qu'ils aillent déchirer les documents qui sont là-dedans. Moi, je n'ai dit que ça. Pour le reste, qu'on interprète comme veut. Mais j'ai posé la question aujourd'hui, oui. Quelle est la position du parti au pouvoir? Est-ce que c'est un accord qu'il faut garder à tout prix ou un accord à réviser ou un accord désuet? Le parti... Il a déjà donné la réponse 3 ans. Non. Il a déjà donné la réponse. Est-ce que nous sommes deux représentants au sein de l'État? C'est parce que vous avez déjà répondu. S'il me dit qu'il est déjà entré là-dedans, qu'il réponde, moi je suis d'accord. J'aimerais qu'il le dise lui-même. On a posé la question. J'aimerais qu'il le dise lui-même. Mais la question que vous posez concernant la position du CNDD-FDD, d'abord il y a du CNDD-FDD sur l'accord d'Arusha. D'abord, il y a le fait que le CNDD-FDD a signé quand on a mis dans le flux de l'accord technique des forces que donc le parti CNDD-FDD a entré, adhéré à l'accord d'Arusha. Ça, c'était la période, historiquement parlant, donc en 2003. Par après, nous sommes entrés dans les institutions comme le Frodebout. Et également comme Faustin avec son association. Nous sommes tous dans la République. Nous sommes donc tous respirés de l'accord d'Arusha comme de la Constitution. Mais l'accord d'Arusha, je vous l'ai dit tout à l'heure, son contenu, excepté les 11 articles du protocole 2, chapitre 1er, excepté ces 11 articles, tout le reste, c'est une action qui devait avoir été terminé. Si ce n'est pas terminé, on doit les continuer. C'est pourquoi il y a encore la CNTB. C'est pourquoi il y a encore la CVR qui aurait dû terminer avant. La CVR devait avoir terminé son travail avant les 36 mois. Il me contredit, ça me surprend. D'abord, il était à Arusha. Deux, il a présidé l'Assemblée nationale qui devait adopter l'accord d'Arusha comme constitution intérimaire. Non. Ce n'est pas comme constitution. Ce n'est pas l'accord d'Arusha comme constitution. Un texte qui gouverne. Il y a une constitution qui est intérimaire. Il y a la constitution qui est intérimaire. Oui, oui. D'accord. Il y a une constitution qui est intérimaire. Ce n'est pas l'accord d'Arusha. D'accord. Moi, j'ai ici. J'ai ici le texte. Avant de quitter ici, je vais vous lire l'article. Même si vous avez. Je vais vous le lire après. Vous avez 30 secondes. D'accord. Après. Non. Je vais d'abord le consulter. J'ai le document ici. Après, je vais lui donner l'information après. Mm-hmm. Ça ne peut pas retarder la discussion. Nous sommes dans la République. Oui. Le parti CNDD-FDD dans la République. Nous respectons l'accord d'Arusha. Là où ça doit encore être appliqué, nous allons l'appliquer. En ce qui concerne la Constitution, nous l'appliquons. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise d'autre? Monsieur Léon Singendakouman, est-ce que l'accord, ça doit être gardé tel que ça a été signé en 2000? Pour nous, l'accord d'Arusha, ce sont les 4 principes que j'ai énoncés. Garder les 4 principes, c'est garder l'accord d'Arusha, c'est garder la Constitution, c'est garder tous les autres textes qui ont été élaborés sur base de cet accord d'Arusha. En attendant, par là, la vision 2025, ça a été élaboré sur base de ça. Le cadre stratégique de lutte contre la pauvreté, une stratégie nationale de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption. Tous ces textes-là, hein, constitue un patrimoine, des acquis comme l'a dit Faustin. Ce sont des acquis que nous devons sauvegarder et entretenir, renforcer. Mais si, donc si, l'accord d'Arusha... Si Festus évoque l'élément temps pour rejeter en partie aujourd'hui, l'accord d'Arusha. Il a corrigé après. Mm-hmm. J'ai senti dans la suite qu'il a corrigé ce qu'il avait annoncé, que l'accord d'Arusha devait durer 3 ans. Il a déjà corrigé. J'ai compris. Je n'ai rien changé de ce que ni rien modifié de ce que j'ai dit au début à la fin. N'allez pas me dire. Alors vous avez donc pour vous l'accord d'Arusha a terminé son mandat 3 ans après sa signature. Sauf les 11 articles. Les actions qui devaient être réalisées. Mais les principes constitutionnels, comment vous pouvez les terminer avant que, par exemple, on change la constitution si c'est nécessaire? Léonce, vous avez alors, la parole. Ça veut dire que l'accord d'Arusha reste irréférable. D'ailleurs, regardez, c'est la constitution. Regardez, c'est la constitution. Le visa, c'est vu l'accord d'Arusha. Regardez, c'est la constitution. Monsieur le seul visa, parce que c'est il me pose une question, je lui réponds. Monsieur le bon, vous avez ce que vous dites depuis des années et vous répétez la même chose. Moi, je vous dis, si vous n'avez pas bien lu l'accord d'Arusha, en tout cas, le résultat sur lequel vous arriverez, vous serez contre l'accord d'Arusha. Parce que vous ne lui dites pas ce qu'il y a. Nous, nous allons continuer à l'appliquer. Poursuivez, Léonce. Bon. Vous allez continuer à l'appliquer, même aujourd'hui. Non, ce qui reste même aujourd'hui. La CVR, la CNTB, bon, tout okay. Ça, ce sont des actions. Okay. C'est ça. L'important, c'est que vous continuez à appliquer et garder l'esprit de l'accord d'Arusha. Je voudrais informer Nora Festus que j'ai suivi également les positions de l'accord d'Arusha. Il y trouve son origine d'abord dans ce qu'on appelait un partenariat politique intérieur. J'étais avec Bouyoya. C'est comme ça qu'on est allé. On a conclu d'aller à Arusha. J'ai été négociateur, j'ai été signateur, je l'ai fait adopter et j'ai fait adopter une constitution intérimaire. J'ai fait en même temps adopter l'accord d'Arusha comme loi suprême. Merci. Mais comme aussi, j'ai fait adopter aussi une constitution intérimaire. Avec article 22. J'étais aussi membre de la commission de suivi. L'accord d'Arusha reste la référence. D'ailleurs, tout le monde s'accorde, y compris son gouvernement. L'accord d'Arusha reste la pierre angulaire de la paix et de la réconciliation pour les Burundis. D'ailleurs, ça s'appelle un accord pour la paix. Ce n'est pas un accord de paix. C'est un accord pour la paix et la réconciliation. C'est-à-dire un instrument politico-juridique qui nous sert de chercher la paix au Burundi. Chercher la réconciliation. Et on n'est pas encore là. Faustin Ndikoumana, on n'est pas encore là. Faustin Ndikoumana a évoqué un élément sur un accord de principe qui pourrait venir des hommes politiques pour revisiter l'accord d'Arusha. Pour vous, y aurait-il un problème? Revisiter l'accord d'Arusha aujourd'hui dans un contexte de tension, issu de cet accord même, ça me paraît paradoxal. Il faut d'abord garder ce que nous avons. Il a bien dit, nous avons une constitution qui reprend l'essentiel de l'accord. Mmh, il faut garder ça. Pas il faut garder la constitution et continuer à marcher avec la constitution jusqu'à ce que l'environnement permette d'évaluer l'accord d'Arusha et de modifier la constitution en conséquence, puisque la constitution est un instrument, c'est un outil d'application, c'est un texte de mise en application de l'accord d'Arusha. Mosaïque. L'émission, c'est Mosaïque. Aujourd'hui, nous parlons de l'avenir de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi, signé le 28 août 2000 à Arusha, en Tanzanie. Ici, dans notre émission, nous sommes avec trois invités. Festus Nanyungu, négociateur pour le compte du CNDD, devenu aujourd'hui membre du parti CNDD-FDD. Nous avons également Léonce Ngendakoumana, vice-président du parti Sawanya Frodebu, également négociateur de cet accord. Et nous sommes aussi avec Faustin Ndikoumana, représentant légal de Parole et Action pour le réveil des consciences et des mentalités Parsem. Léonce Ngendakoumana, vous veniez d'évoquer une relation entre l'accord d'Arusha et la crise actuelle. Et je voudrais vous demander si l'accord peut faciliter la recherche de la solution à la crise actuelle. Évidemment. Comment? Je fais une illustration. Je considère notre processus avec l'accord d'Arusha comme une personne qui prend sa voiture. Bujumbura, il va en Gozio à Gitega. Arrivé à Bugarama, il a un accident de parcours, par exemple, une crevaison d'un pneu. Hein? Il s'arrête, il remplace le pneu ou la pièce et il continue. Alors, dans la phase de mise en application de l'accord d'Arusha, nous avons rencontré un accident de parcours le troisième année. Plus mortel pour l'opposition que le parti au pouvoir. Oui, accident. Pour la nation. Pour la nation burundi, ça veut dire pour nous tous. Mmh. Alors, maintenant, nous sommes en train de réparer ça. Hein? Nous sommes en train de voir comment est-ce qu'on peut trouver des compromis. Nous sommes à Arusha, nous sommes à Helsinki, nous sommes un peu partout. C'est pour démontrer quand même que l'accord d'Arusha et ses acquis doivent rester là et se concentrer sur la recherche des compromis et sur les conséquences de la crise liées au troisième mandat. C'est ce que j'appelle accident de parcours. Mais je disais, est-ce que ça peut nous aider, l'accord d'Arusha peut aider à résoudre la crise politique actuelle? J'ai dit que toutes les solutions aujourd'hui viendront de l'accord d'Arusha. Allez regarder tout ce qu'ils ont fait écrire chez Mukapa. Ça se trouve dans l'accord d'Arusha. On n'aura pas mieux. Prenez le premier protocole, prenez le deuxième, prenez le troisième, prenez le quatrième. Je vois qu'il y a l'accord là-bas. Montre-moi une seule question qui est mentionnée là à Arusha aujourd'hui qui n'est pas là-bas. Hein? Et qui n'est pas là-bas. Ça se trouve dedans. Ça veut dire que les solutions sont là. Et c'est pour cette raison que j'ai donné cette image. Les solutions doivent être trouvées là-bas. Il suffit qu'on se convienne que qu'on réaffirme que l'accord d'Arusha et la Constitution restent les fondements de la paix et de la réconciliation au Burundi. Alors on se met sur la crise, on trouve les solutions de l'accord d'Arusha. Faustin Ndikumana, est-ce qu'aujourd'hui l'accord d'Arusha de 2000 peut aider à trouver la solution pour la crise actuelle? D'abord, l'accord d'Arusha aussi a fait que justement même la crise ne dégénère pas. L'accord d'Arusha a contribué pour que la crise ne soit pas à l'instar des crises antérieures où les populations sont rentrées dedans, où il y avait vraiment une sorte de rejet de l'un de l'autre. Il y a eu quand même, même si la crise a été semble-t-il confinée au niveau des classes politiques, mais ça a eu vraiment une avancée par rapport aux crises antérieures. Au niveau de la contribution de l'accord d'Arusha à la solution de la crise actuelle, c'est même l'accord d'Arusha qui est le panacée même à cette crise. L'accord d'Arusha, c'est le panacée. Si vous avez problème de mandat, allez lire l'accord d'Arusha. Si vous avez problème sur la constitution, allez dans l'accord d'Arusha. Si vous avez problème au niveau de la réconciliation, allez dans l'accord d'Arusha. Si vous avez problème au niveau de la sécurité, même le travail de ces agences nationales de renseignement. Vous savez que l'accord d'Arusha parle de la façon dont ces agences nationales de renseignement devraient se comporter. Allez lire. Vraiment, c'est un document extraordinaire. Tout ce qui doit faire que le Burundi affiche une renaissance se trouve dans ce document. Quand je parlais tout à l'heure de la déclaration universelle des droits de l'homme qui a été élaborée par les citoyens français après la Révolution française, c'était à l'époque pour marquer aussi une renaissance de la nation française. Que les textes d'application plus tard des conditions devraient s'articuler sur les articles de ce document. C'est cela que je voulais dire. Donc l'accord d'Arusha, il y a des actions concrètes à mettre en application, mais il y a l'esprit. Il y a un esprit, comme il a dit tout à l'heure, mettre fin à la crise politique et à la crise ethnique. C'est que même aujourd'hui, s'il y a un accident de parcours, comme l'a dit M. Léonce ici, on va se référer sur le document. Voilà. C'est pourquoi le document restera toujours une source intarissable de la paix au Burundi. Même, peut-être on va y aller, même les générations futures, s'il y a un problème au niveau, nos ancêtres avaient dit quoi à l'époque? Allons nous ressourcer. Comment est-ce qu'ils avaient vraiment orienté les choses? Comment est-ce qu'ils nous avaient proposé d'édifier notre société pour qu'elle se fonde sur les valeurs de paix, d'unité, de démocratie, de partage des pouvoirs, respect des droits de l'homme? C'est tout qui est ici. Est-ce qu'il n'y a pas un danger si on prend l'accord d'Arusha comme parole d'évangile? Ça reste une source de référence si vraiment la société burundaise tombe dans un accident de parcours. On doit se référer à quelque chose de consensuel parce que c'est le seul document qu'on a qui puisse quand même recueillir les positions divergentes des uns et des autres pour arrondir les angles. Festus Nanyongo, est-ce que l'accord d'Arusha a une place dans la résolution de la crise politique actuelle? Et d'abord, si vous le permettez, comme je l'ai promis, je suis allé consulter l'accord d'Arusha, comme ils le disent. Consulter, il faut toujours consulter. Voilà. Mais ce n'est pas pour cela que vous pouvez confondre une consultation d'un dictionnaire avec une loi. La constitution, c'est une loi. Mais consulter le dictionnaire, la loi, ce n'est pas une loi. Et je conseille à M. Fausté, à lui, qui fait de consulter la loi. Vous avez trois minutes. Vous avez trois minutes. Je lis ce que j'avais dit tout à l'heure. Par sa signature, article 22. Protocole 2 de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation. Période intérimaire, c'est le sous-titre. Point 2, c'est pour M. Léonce, qu'il aille relire encore ça. Par sa signature, l'Assemblée nationale convient, dans un délai de 4 semaines, à d'adopter le présent protocole 2. en tant que loi suprême, j'ai dit, monsieur le constitution, s'il te plaît, ce n'est pas l'accord d'Arusha. Laissez-moi. Je lis ce qu'il y a. Ne me contestez pas, c'est écrit. Vous avez deux minutes. Même si c'est une demi-minute, mais je dois dire ce que j'ai à dire. En tant que loi suprême, le donc, mais je lis le protocole 2. Laissez-moi lire ce que j'ai dit tout à l'heure que vous avez contesté. Contestez ce que je dis parce que je lis et que vous avez signé vous-même. J'ai votre signature dans le document. Vous avez dit que l'Assemblée nationale voterait dans 4 semaines le protocole 2 comme loi suprême. Comme constitution, C'est la constitution et vous avez dit non. Mais entre-temps, j'ajoute comme commentaire. C'était intermère. C'est fini. Donc, l'accord d'Arusha tel que vous l'avez voté n'est plus parce que ça a été remplacé par la constitution. Non, ce n'est pas ce qui est dit là-bas. Je ne veux pas aller plus loin. Je réponds à la question. Vous avez dit, est-ce que l'accord d'Arusha peut contribuer? Ce n'est pas l'accord d'Arusha qui doit contribuer. Il y a un autre texte fondamental qui a permis que la crise ne s'alise en 2015. C'est quoi ce document-là? C'est l'héritier de l'accord d'Arusha. La constitution de la République du Burundi. Lisez bien, sachez bien, c'est l'héritier de l'accord d'Arusha. Ne cherchez pas autre chose. Il y en a qui ont dit, enfin, tout. L'accord d'Arusha a eu un héritier unique, un fils unique, c'est la constitution. Et c'est la constitution avec les arrangements qui sont là-dedans. Depuis le premier titre jusqu'au dernier, leur chevauchement, leur interprétation, leur application par les institutions, tout ça, qui ont fait que les forces des armées, la police, les mouvements autres politiques et autres, etc., associations, ont fait que, finalement, en interprétant ce qui est en fait le médiateur commun pour les Burundis, c'est la constitution. En interprétant ce médiateur-là, le texte, on dit non. Depuis que nous avons une constitution, nous n'allons pas nous battre, nous n'allons pas nous tirer dessus. Il faut qu'on lise et qu'on suive la loi. Et la loi d'abord fondamentale. Donc, nous avons la loi fondamentale et c'est l'héritier de l'accord d'Arusha. Donc, tant que le papa a dit, mon fils unique, désormais c'est vous, c'est d'abord le fils qui agit. Mais quand et c'est nous, nous respectons ce fils. Mais peut-être, quand c'est compliqué, on peut recourir au père. Mais c'est normal, textuellement, le père, historiquement, dans l'histoire, ce n'est pas le père dans les idées. Parce que la constitution, il y a des idées nouvelles. Et aujourd'hui déjà, ça va peut-être être enrichi. Parce que nous venons de voir au travers de la population qui s'exprime tel que vous ne pensez pas bien, tel que nous voyons que nous, elle s'exprime, la population, en disant il y a telle chose qui devrait changer, dont on n'a pas tenu compte quand on a signé l'accord d'Arusha, parce que la constitution devra de toute façon être amendée d'une façon ou d'une autre, un jour. Que vous aimiez, que vous n'aimiez pas, que j'aime, que je n'aime pas. C'est tout à fait comme ça. Toutes les constitutions changent, toutes les lois changent. Un petit commentaire du côté de Léonce et de Faustin, puis on va continuer avec notre émission. Et d'abord, je dois une minute. Informer à mon collègue, à l'honorable Festus, c'est vrai, c'est l'héritier, mais sur une partie de l'accord d'Arusha. Sur une partie de l'accord d'Arusha, ça veut dire les principes constitutionnels. Vous avez dit que c'est 11 articles. Oui. Donc, dans ce cas, en ce terme-là, c'est l'héritier. Oui. Mais l'accord d'Arusha a 4 protocoles. Vous l'avez vous-même dit. Le premier protocole, c'est un protocole fondamental sur la nature du conflit burundais. Et on ne peut pas analyser l'origine et la nature de cette question. On ne se réfère pas à l'accord d'Arusha. C'est impossible. Les solutions qu'on devra chercher, c'est dans l'accord d'Arusha. Alors, je le concède, la constitution est un héritier de l'accord d'Arusha en ce qui concerne l'organisation et la gestion politique du Burundi. En termes de gestion du conflit Burundi et le quatrième protocole pour la reconstruction du pays, ça ne se trouve nulle part dans la constitution. Je passe la parole à Faustin. Quelle est la nuance que vous d'abord apportez pour par moi, rapport à Festus? Pour moi, parle... c'est une avancée d'entendre de la bouche de Festus que la constitution, c'est un fils d'abord au mot de l'accord d'Arusha. Unique. Il a appelé unique, mais déjà, c'est une avancée parce qu'il y a beaucoup. il y a d'autres membres du parti au pouvoir qui rejettent même ces terriers. Vous voulez donc vous m'opposer à mes camarades, à mes amis, tout ça. Ça vous n'y arriverez pas. Regardons. Ce qui est intéressant chez moi, c'est d'entendre que la Constitution, vraiment, c'est l'office de la Cour d'appel. Ça prouvera que si la Constitution éprouve s'il y a des divergences d'interprétation de la Constitution ou de quoi, on peut alors se référer aussi à la Cour d'appel. Quel est l'esprit qui a été à la base de la fixation de tel ou tel autre? Je crois que bien, à ce niveau, on peut bien avancer. Voilà, nous acheminons vers la fin de cette émission, mais quelle est la place de la Cour d'Arusha pour les générations futures dans la gestion politique du pays? Vous savez, le mal même qui a accompagné, le déficit qui a accompagné la Cour d'Arusha, il n'a pas été objet de sensibilisation citoyenne. La Cour d'Arusha n'a pas été objet de sensibilisation pour que les citoyens burundais en connaissent le contenu. Il ne faut pas que Festus, qui est allé négocier à Arusha, reste le seul à avoir l'apanage de connaître le contenu vraiment de la Cour. Il fallait vraiment mobiliser les gens pour connaître la Cour. Imaginez, même aujourd'hui, on ne daigne même pas expliquer aux gens l'historique, le fondement, l'esprit de cet accord. Il faut y aller pour le dire. Nous avons partagé un passé douloureux, mes chers compatriotes, nous devons partager l'avenir et les dividendes de la paix qui découlent de l'accord d'Arusha. Pour cela, alors, les générations futures. Mais pour cela, il faut un consensus des hommes politiques. La consensus, il est déjà là. Mm-hmm. C'est un document inclusif. Le plus inclusif possible, c'est l'accord d'Arusha. Dis-moi qu'il a dit même que le CNDD-FDD, en arrêtant la guerre, il a signé l'accord d'Arusha. Et voilà, c'est le document le plus inclusif possible. Comment est-ce qu'on est arrivé à la paix? Comment, qu'est-ce que les générations futures auront à respecter comme valeur fondamentale, contre le fondement de la paix? C'est pour cela que les générations futures devraient se référer toujours à ce qui constitue la valeur ajoutée amenée dans notre histoire par la Cour d'Arusha. Même ceux qui vont en faire l'histoire, c'est pour cela que les générations futures ont vraiment la grande tâche de se référer toujours à l'esprit dialogue, conciliation, partage des pouvoirs, démocratie, pour que dans l'histoire, on s'attire à d'autres défis, développement, gouvernance, comme ça. Monsieur Festus, est-ce que vous êtes du même avis que Faustin, que les générations futures doivent prendre l'accord d'Arusha comme un document de référence? Il a dit que c'était une concession que je faisais en disant que l'accord d'Arusha est un héritier, ce n'est pas une concession, c'est une lecture. Pour toute personne qui lit la Constitution, voit très bien que la Constitution est venue de ce qui a été décidé à Arusha. C'est très bien. Ça, c'est très bien. Mais c'est très, très bien. Il n'y a rien. Ce n'est pas beaucoup. Attention, ça, c'est académique. Je vous ai dit que, en admettant que c'est l'héritier, d'accord, donc la constitution. Le fils unique. Moi, je vais interpréter les choses comme ceci. Quand nous avons des problèmes à résoudre, je vous l'ai dit tout à l'heure, y compris avec 2015, y compris demain, ne vous trompez pas en allant dire « je vais aller voir la Cour d'Arusha ». Non, regardez ce qu'il y a dans la Constitution. Et s'il faut, ce n'est pas d'amender la Cour d'Arusha. On n'amende pas la Déclaration universelle des droits de l'homme. Non, c'est un monument, c'est au musée. La Cour d'Arusha, je l'ai dit et plusieurs fois, ça doit se trouver au musée. Le texte actif, effectif, qui doit régir le Burundi, c'est la constitution votée par les Burundais en 2005 et qui pourra être amendée progressivement. Je crois que vous avez été content que je dise que la constitution est l'héritier de l'accord d'Arusha. Soyez d'accord maintenant que je dise que l'accord d'Arusha ayant déjà son fils là, maintenant doit être au musée, c'est sa place. L'office, merci beaucoup. Le fils n'éclipse pas son père. Un fils n'éclipse jamais son père. Léo Sindakoumana, vous avez la parole. Ça, c'est unique. Est-ce que l'accord, quelle est la place de l'accord d'Arusha pour les générations futures, surtout dans la gestion politique du pays? Les aspirations des jeunes, les priorités des jeunes se trouvent dans l'accord d'Arusha. Pas dans la Constitution. Bon, la Constitution étant un texte d'application de l'accord d'Arusha, forcément. Première aspiration, qu'il n'y ait aucun gouvernement au Burundi, y compris le CNDD-FDD, celui du CNDD-FDD, qui recrée les causes historiques du conflit burundais. Vous êtes en train de rompre avec les aspirations des jeunes. Deuxième aspiration des jeunes, l'instauration de la démocratie et de la bonne gouvernance. Renforcer la démocratie et la bonne gouvernance au Burundi. Ça se trouve dans l'accord d'Arusha. Troisième priorité, c'est avoir quand même une armée et une police professionnelle, loyale et républicaine. Ça se trouve dans l'accord d'Arusha. Quatrième aspiration ou priorité des jeunes, c'est avoir un pays digne et reconstruit. C'est le quatrième protocole. Donc, les aspirations des jeunes se trouvent bel et bien dans l'accord d'Arusha. Il suffit de l'appliquer, de le respecter. Du moment que même cette condition dont vous parlez, quand il y a un article 209 qui dit pour modifier cette constitution, il y a des propositions qui seront irrecevables. Quand ils viennent faire reculer la réconciliation, la démocratie, la cohésion, ils sont irrecevables, l'article 209. Et si on est tenté de discuter sur ça, si l'article 209, on est tenté de discuter, quels sont les principes qui sont en train de faire reculer la réconciliation, la cohésion? On ira où pour vérifier ça? Monsieur Festus, est-ce qu'on va aller dans l'air? Si on dit, maintenant nous voulons modifier la constitution, mais il y a un article spécial qui nous dit, attention, les propositions qui viendront faire reculer la réconciliation, la démocratie, la cohésion des Burundais, ils sont irrecevables. Comment est-ce qu'on va aller dans l'accord d'Arusha? On va retirer tout cela, on avait dit que ça pourrait faire reculer. On se retrouvera dans ce document. Sinon, on ne va pas parler dans l'air, je suis sûr. Festus, si vous voulez parler aux générations futures par rapport à cet accord d'Arusha. La jeunesse, en fait, on a constaté qu'après la signature de l'accord d'Arusha, celui-ci n'a pas été suffisamment enseigné. Ce qui fait que ça a créé même des problèmes au sein des partis politiques. Il y a des membres qui ne connaissent pas exactement le contenu de l'accord d'Arusha et certains débats ont cela comme cause. Faites-le aujourd'hui. Attendez, je disais donc, en me référant même au dialogue dans lequel j'étais dernièrement, la constitution qui rassemble non seulement l'essentiel de ce qui devait gouverner le pays pendant longtemps, donc l'accord d'Arusha, mais également d'autres idées qui sont là-dedans, concernant la démocratie et la bonne gouvernance, et d'autres chapitres donc de l'accord d'Arusha. Maintenant, il faudrait que la constitution qui gouverne notre pays, à laquelle se réfèrent les jeunes pour faire ceci et cela, qui va faire que notre pays puisse se gouverner dans l'émergence vers le développement, dans la démocratie vraiment assumée, qui n'a plus ses appendices d'ethnies et d'autres, même de régions, il faudrait que les jeunes apprennent la constitution du Burundi. Parce que la constitution du Burundi, avec même le titre 2, les principes fondamentaux et sur la démocratie, tout ça, etc., fait que la jeunesse pourra s'imprimer des principes fondamentaux de la démocratie et se construire un avenir à partir des piliers qui sont dans la constitution. Ce n'est pas la cour d'Arusha qu'il faut enseigner, c'est la constitution. Voilà, c'est sur cette intervention de Festus Nanyungu sur laquelle nous clôturons notre émission Mosaïque d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, l'émission se focalisait sur l'avenir de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation signé le 28 août 2000 en Tanzanie. Dans cette émission, nous étions avec trois invités. Festus Nanyungu, négociateur pour le compte des CNDD-FDD. À l'époque, merci pour avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Je remercie également Léon Singendakumana, vice-président du parti Saronia Frodebou, également négociateur de l'accord d'Arusha. Merci beaucoup. Je dis à mon ami que l'accord d'Arusha reste la pierre angulaire pour la paix, pour le développement pour l'unité et la cohésion du peuple burundais. Je remercie également Faustin Ndikumana, représentant légal de Parole et Action pour rêver des consciences et des mentalités par SEM. Merci pour avoir répondu à l'invitation. Merci de nous avoir invités. Mais quand même, même le traité de Kiganda, on renseigne dans l'histoire. Même les accords de Vienne, à l'Algérie, on les dit dans l'histoire. Imaginez-vous quelqu'un qui dit qu'il ne va pas renseigner l'accord d'Arusha à l'Algérie, c'est burundais. Mosaïque d'aujourd'hui était présentée par Pacifique Chubahiro. La mise en onde de cette émission était assurée par Jean-Dodien Daïsenga. Cette émission était réalisée par Jérôme Nyonzima. À vous tous qui nous suivez, continuez à suivre nos émissions sur la radio Isanganiro. Mosaïque.